franceinter.fr. Bonsoir. C'est l'histoire d'Ivan, jeune comédien moscovite, que je vais vous raconter aujourd'hui. Passionné de théâtre et apolitique, ce jeune idéaliste va se trouver malgré lui confronté à la révolution d'octobre. Russie, octobre 1917. Depuis des mois, le pays navigue entre effervescence révolutionnaire et chaos. Pénurie, famine, grève, menaces de coup d'État se multiplient. En février, la première révolution, poussée par l'aspiration d'un peuple longtemps asservi, a balayé la dynastie tricentenaire des Roumanov. Mais aucun pouvoir, ni le gouvernement provisoire, ni les soviets, n'arrive à tenir la barre de cet immense navire. Profitant de la confusion générale, les bolcheviks, le 25 octobre, s'emparent de tous les points stratégiques de Saint-Pétersbourg, la capitale politique, et le lendemain, du palais d'hiver, le siège du gouvernement. Un coup d'État presque sans violence. Lénine, lui-même, n'en revient pas. Déclencher la révolution mondiale en Russie, dira-t-il plus tard, fut aussi facile que de ramasser une plume. Pendant ce temps-là, à Moscou, la vieille capitale slave et orthodoxe, Ivan ne pense qu'à la nuit des rois de Shakespeare qu'il est en train de répéter. Mais autour du théâtre, les tirs se rapprochent dangereusement. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Marie-Christine Autant-Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes historienne du théâtre, spécialisée dans le théâtre russe et soviétique. Avec vous, nous parlerons de la Révolution d'octobre, mais aussi du théâtre d'art, ce lieu mythique créé à Moscou à la fin du XIXe siècle, qui a eu un immense retentissement au XXe siècle, partout dans le monde, on en parlera tout à l'heure. Alors l'action de l'histoire, que je vais raconter dans quelques minutes, se déroule donc à Moscou en octobre 1917. Les personnages sont fictifs, mais le cadre historique est bien réel. Comment se fait-il d'abord que c'est à Saint-Pétersbourg et non à Moscou que démarrent les révolutions 1917, celle de février et celle d'octobre? Oui, alors Saint-Pétersbourg, au moment de la révolution, c'était Petrograd. Et la ville s'est appelée Saint-Pétersbourg, puis elle a été rebaptisée Petrograd, puis elle a été rebaptisée ensuite sous les soviets Leningrad. Et à la perestroïka, elle est redevenue Saint-Pétersbourg. Donc en 1917, c'était Petrograd. C'était Petrograd. Et qu'est-ce qui différencie donc ces deux villes? Petrograd, c'était la capitale, c'est là où vivait le tsar, là où vivaient les aristocrates, la plupart des aristocrates, et là, beaucoup de responsables des armées également. Moscou était une ville marchande, donc marchand, industriel, beaucoup d'industriels. Et donc les deux villes étaient très différentes. Et pourtant, le théâtre était aussi fort à Saint-Pétersbourg qu'à Moscou. Et on ne peut même pas dire que le théâtre était plus conventionnel à Petrograd qu'à Moscou. Parce qu'en fait, même dans la capitale impériale, un certain nombre d'expériences autour du mouvement symboliste et de courants picturaux d'avant-garde s'étaient développées. Mais Moscou avait le privilège, si j'ose dire, d'avoir un théâtre qui était né en 1898, le théâtre d'art, qui était évidemment devenu très vite un phare de la vie théâtrale, un phare qui rayonnait dans toute la Russie, grâce à des tournées, grâce à des disciples qui apportaient la bonne parole un peu partout, mais aussi à Saint-Pétersbourg, donc il y avait à Petrograd. Donc il y avait une espèce de rivalité dans le domaine, voilà, stimulante entre les deux grandes villes. Alors, il faut raconter quand même l'histoire incroyable de la création de ce théâtre d'art en 1897-98. Donc Constantin Stanislavski et Vladimir Nemirovitch Danchenko se rencontrent un soir, ils discutent pendant des heures et ils décident de créer un nouveau théâtre. Pourquoi ce nouveau théâtre ? Alors, ce qui est assez intéressant pour nous qui sommes français, c'est que le théâtre d'art, en fait, s'est formé contre l'école française, contre le théâtre de représentation, contre la conception du théâtre qu'avait Diderot. c'est-à-dire un théâtre distancé et sans émotion. Les Russes avaient, depuis la moitié du XIXe siècle, s'étaient aperçus que ce théâtre français allait contre un peu le ressenti des comédiens russes qui se sentaient beaucoup plus à l'aise dans un théâtre émotionnel, dans un théâtre de ce que Stanislavski appellera le théâtre du ressenti ou du revivre. Et c'est comme ça qu'est né le théâtre d'art. Alors, le premier grand succès du théâtre d'art, ce sera la reprise de La Mouette de Tchekhov. Tchekhov est le grand auteur indissociable du théâtre d'art. Oui. Donc, ça, c'est le rideau du théâtre d'art porte toujours aujourd'hui, d'ailleurs, l'emblème, c'est-à-dire La Mouette. La Mouette qui a été effectivement le premier succès, grand succès, peut-être pas le seul de la première saison, mais en tout cas le grand succès, qui, comme vous l'avez dit, est une reprise, puisque la pièce de Tchekhov, 2 ans auparavant, avait fait un four catastrophique à Saint-Pétersbourg, Petrograd. Malgré les efforts de la grande comédienne Komissarjevskaya, Nina avait fait rire le public. C'était véritablement une catastrophe. Tchekhov était sorti du théâtre avant la fin et il s'était juré de plus jamais écrire de théâtre. Donc, il a fallu le supplier. Nemirovitch Danchenko, qui était un auteur dramatique très connu, avait supplié Tchekhov de continuer à écrire pour le théâtre. Heureusement qu'il l'a fait. Et finalement, Tchekhov a accepté que sa pièce soit reprise au théâtre d'art, ce théâtre nouveau qui venait de naître et qui avait comme effectivement intention de renouveler complètement le travail théâtral. Et c'est là, dans ce théâtre d'art, que sera créé l'Oncle Vania, 1899, Les Trois Sœurs et La Cerisaie, donc voilà. La dernière pièce de Tchekhov en 1904. Marie-Christine, autant Mathieu, je vous propose qu'on se retrouve dans une trentaine de minutes. Le temps d'écouter Moscou 1917, un texte de Tadi McNamara, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. La réalisation est signée Baptiste Guiton. C'est chez moi. Qui est-ce? Des policiers? Les bolcheviks? On ne sait pas qui est aux commandes à Moscou. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici au milieu de la nuit? Ça vient de plus haut dans l'escalier. J'ai Torstov, mon voisin du deuxième étage. Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Il ne participe pas aux révoltes. Il n'est dans aucun parti politique. Il ne leur ouvre pas. Je sais qu'il est chez lui. Il doit être mort de trouille. Qu'est-ce que je peux faire? Il faudrait que je sorte. Que je l'aide. Je ne sais pas de quoi il l'accuse. Et s'il me prenait pour un bolchevique? Non, il vaut mieux que je reste là. Pour Torstov, pour tout le monde. J'entends sa voix. Ça y est, il l'emmène. La peur me paralyse. Tout va bien se passer. Torstov va leur expliquer que c'est une erreur, qu'il ne s'occupe pas de politique. De toute façon, je ne pouvais rien faire. Je n'aurais fait qu'envenimer la situation. Je n'avais pas le choix. Oui, tout à l'heure, Torstov reviendra, je l'entendrai tousser dans l'escalier. Ce bon vieux Torstov. On rira de toute cette histoire. Oui, on rira. C'était rien qu'une journée de plus. Moscou, 27 octobre 1917. La Russie est au bord de la guerre civile. La révolution de février a balayé le tsarisme, mais le gouvernement provisoire n'a pas mis fin à la guerre, ni endigué la famine. Sur le front, des bataillons ont refusé de se battre. Dans les villes, les grèves et les révoltes se multiplient. Le 25 octobre, selon le calendrier julien, les bolcheviks se sont emparés du palais d'hiver à Petrograd, Saint-Pétersbourg, la capitale. Le 26 octobre, des rumeurs d'émeutes commencent à se répandre à Moscou. Ivan, un comédien en vue, vit près des étangs du Patriarche, au centre de Moscou. Pour lui, comme pour beaucoup d'habitants, la vie continue comme avant. Les traîneaux circulent sous la neige, le tramway fonctionne. Le soir, les théâtres font encore salle comble. Devant les commerces, les files d'attente s'allongent. Malgré le froid, Ivan s'arrête sur le boulevard, comme s'il attendait quelqu'un. Elle m'observe. Une jeune femme blonde, droite et immobile. Il se met à neiger. Pendant un court instant, nous restons figés, de part et d'autre du boulevard. Des traîneaux passent entre nous. Van, hey, Van, c'est moi, Dimitri. Combien de fois je te l'ai dit ? Pour toi, je suis pas Ivan, monsieur Trofimov. Ah ben oui, un grand comédien comme vous, monsieur Trofimov. D'ailleurs, je voulais vous dire, chapeau, quelle performance. Votre dernière pièce, là, comment c'était encore déjà le titre ? Le loup-garou des plaines. La demoiselle des neiges, d'Ostrovski. Merci, je suis content que ça t'ait plu. Ah non, mais moi, j'y étais pas. C'est le voisin du fiancé de ma sœur. Il a dit que vous étiez impeccable. Impeccable. Et alors, à la fin, quand vous avez regardé le public et que vous avez parlé du dieu du pédalo... Yarilo. Il a eu... non, le dieu Yarilo. Bon, je viens pas pour parler théâtre. Ah, pardon, monsieur Trofimov. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut ce matin ? Votre vodka habituel ? Moins fort ! On pourrait t'entendre. Oui, désolé, monsieur Trofimov. On va me prendre pour un alcoolique. Je bois que lorsque la première s'approche. Ça me soulage. Comme un médicament. Ah, justement, Ivan, j'en ai reçu ce matin. Des médicaments, comme vous les aimez. J'ai encore mal au crâne avec ce que tu m'as donné la dernière fois. Oui, c'était du samogon de la pire espèce. Mais rien à voir avec ce que j'ai aujourd'hui. C'est combien ? 25 copecs la bouteille. Ça a encore augmenté. Je vous mets combien de bouteilles ? Mais moins fort ! 4. Je vais avoir besoin de toutes mes forces. C'est une répétition importante. Ah, vous jouez un alcoolique ? Bon, ça suffit. Je dois y aller maintenant. Attendez, juste un instant. Regardez. Regardez ce petit ouvrage. Pour un fin amateur d'art comme vous, monsieur Trofimov, c'est un achat incontournable pour votre bibliothèque. Qu'est-ce que c'est ? L'ombre d'Alexandre II. On y apprend un paquet de choses sur la Russie, sur notre avenir. Alexandre II revient de la mort avec du sang partout et il prédit l'avenir. Vous imaginez ? Qu'est-ce qu'il dit ? Que la Russie va être sauvée. Qu'il n'y aura plus de guerre, et que nous, le peuple russe, nous serons heureux pendant 300 ans. Ma sœur me l'a lu hier soir. C'est passionnant. Passionnant. Je t'aime bien, Dimitri. Fais attention à toi. Hier, les bolcheviks ont pris Petrograd. Aujourd'hui, les cadets se préparent devant la caserne d'Alexandrovitch. Il va y avoir des émeutes. Oh, je fais comme tous les moscovites, je me suis fait pousser des yeux dans le dos. Alors, je vous mets un exemplaire de l'ombre d'Alexandre II. Ivan ? Oui. Je le prends. Merci. À bientôt. La jeune femme de tout à l'heure. Elle est partie. Elle a disparu dans la foule. Qui est-elle ? Son visage me rappelle quelqu'un du monde d'avant, bien avant la révolution et la guerre. En 1917, la révolution d'octobre est la troisième insurrection de l'année. La prise du palais d'hiver à Petrograd, dans la nuit du 25 au 26 octobre, sa première victoire, s'est déroulée tranquillement. Pour la majorité de la population, elle est même passée inaperçue. L'assaut de ce symbole du tsarisme a été mené au nom des soviets, c'est-à-dire au nom du peuple. En réalité, il s'agit bel et bien d'un putsch mené par les bolcheviks. À Moscou, où le sentiment contre-révolutionnaire est plus fort qu'à Petrograd, on pressent que la bataille sera plus rude. Dans leur grande majorité, les Junkers, les étudiants militaires, se rallient aux défenseurs du gouvernement provisoire. Ceux qui sont suspectés de sympathie bolchévique peuvent être arrêtés et exécutés sommairement. La rue est calme. Vous ne croirez pas à une révolution. Tu dois être au courant, toi, de ce qui se passe. Pas plus que toi, petit frère. Tout de même, Valentin, t'es un bolchevique. Pour l'instant, les camarades et moi, on attend les ordres du comité révolutionnaire. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce que tu peux me dire, toi, un garde du soviet ? Ça suffit, petit frère. T'as pas besoin d'en savoir plus. Et mon voisin ? Qui ? Torstov ? Je me suis renseigné. Il a été arrêté par des policiers de Kerensky. Pourquoi l'ont-ils pris ? Est-ce que Torstov buvait beaucoup ? En tout cas, ce soir-là, il devait être sacrément éméché. Il jouait à allumer et éteindre sa lampe. Les officiers ont pris ça pour un signal. Ils l'ont embarqué dans la rue, le capitaine a tiré. Il est mort ? Eh oui. Exécuté pour une lampe. C'est moche. Mais tu sais, j'ai des dizaines de camarades enfermés à la caserne d'Alexandrovsk, gardés par des cadets de 13 ou 14 ans, et qui attendent leur exécution. Torstov était comme moi. Il connaissait rien à la politique. Les Junkers ne s'embarrassent pas de ce genre de détails. Tout le monde y passe. Pour une mine, pour une dénonciation, pour une parole déplacée. Non, vous ne pouvez pas monter. Vous voyez bien qu'il n'y a plus de place ici. La tension commence à être palpable. On a tous envie de quitter le navire. Tu rigoles? Le peuple n'attend qu'une chose, le pouvoir aux soviets et le renversement de ce maudit gouvernement. Tu crois? Tu sais quel est ton problème, frangin? Tu passes trop de temps dans ton théâtre. Je suis comédien. Le sort du peuple russe est en train de se jouer. Sans art, il n'y a pas de peuple russe. On va bien que tu choisisses ton camp. Je choisirai les vainqueurs. Mais cette fois, c'est différent. La révolution est en marche, plus rien ne sera comme avant. Ivan, tu m'écoutes? Tu vois cette femme là-bas? Laquelle? 25 ans, les cheveux blonds. Sur la banquette? Très belle femme, oui. Je l'ai déjà vue ce matin. On dirait qu'elle me suit. Mais t'es le plus grand comédien de Moscou, Ivan. T'as sûrement des admiratrices aux quatre coins de la ville. Ah, elle vient de descendre. Et c'est là que je descends, moi aussi. Regarde, les Junkers se dirigent vers le Kremlin. Pardon? Poussez-vous. Bonne révolution! Et toi, bonne répétition! C'était la même femme que ce matin. Elle est si belle. Est-ce qu'elle me suit? Le premier studio au centre de Moscou. C'est un laboratoire de création et un vivier de jeunes comédiens prometteurs. Les plus talentueux y débutent avant de faire carrière au Théâtre d'Art, une institution à Moscou. Dans les couloirs, on entend déclamer les grands textes du répertoire, Tchekhov, Shakespeare, Dostoïevski. Le théâtre, situé boulevard Skobelevskaya, en plein cœur de Moscou, possède une troupe permanente d'une douzaine de membres. Ces jeunes recrues ont en commun un profond amour du théâtre. Ils apprennent du metteur en scène et pédagogue Konstantin Stanislavski à incarner leur personnage, au lieu de le jouer de manière mécanique sur scène. En octobre 1917, la troupe prépare depuis deux ans La Nuit des Rois de William Shakespeare. Arrête, Toby! Sur ta vie, je te l'ordonne, arrête! Madame! Vous serez donc toujours le même méchant incorrigible, fait pour les montagnes et les antres barbares où l'urbanité ne fut jamais prêchée. Hors de ma vue! Ça suffit, moi je rentre chez moi. Tu plaisantes? J'ai pas envie de me retrouver bloqué ici. On n'interrompt pas une répétition comme ça. La première est dans deux semaines. T'as oublié? Toi, en tout cas, tu l'as pas oublié. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout le monde sait ce qui t'intéresse. Une place au Théâtre d'Art. Pas du tout. Ah, Ivan, aide-moi. Mireille veut interrompre la répétition. C'est juste une insurrection, Mireille. On a l'habitude à Moscou. Et cette fois, c'est différent. Et puis, Olga est toute seule à la maison. Vous ne pouvez pas me forcer à rester. Sur ce point-là, il n'a pas tort, Sophia. S'il te plaît, Mireille, on a besoin de toi. Je ne travaille pas dans ces conditions. Il y a autre chose, n'est-ce pas, Mireille? C'est pas dans ton intérêt que la première se passe bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Le rôle de Sir Toby. Tout le monde sait que tu le voulais. Mais ton tour viendra. Ce sont juste quelques coups de feu au Kremlin. Et on doit revoir ta scène. D'accord. Je reste encore un peu. Le Titanic coule et les musiciens continuent de jouer. On reprend l'acte 3, scène 2. Tout à l'heure, il va me pleurer dans les bras. S'il insiste pour partir, on le remplacera pendant la répétition. Par qui? Cette femme, là-bas. Là-bas, au fond. Je vois personne. Qui est-ce? Je sais pas. Elle est venue s'abriter. Elle était dans la rue quand ils ont commencé à tirer. Pourquoi ici? Je sais pas. Elle regardait sans doute les affiches. Elle veut peut-être devenir comédienne. Ça vient du boulevard Skobelevskaya. Il y a des barricades dans la rue. Les Junkers tirent dans le tas. Il faut fermer tous les volets. Ça peut être dangereux. Bientôt le quartier sera scellé. On ne pourra plus sortir. Cette fois, je m'en vais. C'est ça, va-t'en. Nul n'est irremplaçable. Ivan, continuons à répéter. Mademoiselle, ça vous ennuierait de prendre sa place? Elle apparaît dans l'embouchure de la porte. Le même sourire étrange. Les mêmes cheveux blonds, pas de doute. C'est la femme de ce matin. Elle traverse lentement la salle. Son regard est posé sur moi. Il se dégage d'elle une intensité, une telle énergie, ses yeux, sa bouche. Nous faisons face l'un à l'autre au milieu de la scène. Le 27 octobre 1917, les moscovites entendent les premiers coups de feu. Le 28, les combats s'intensifient. Les bolcheviks ordonnent à la garnison de n'obéir qu'aux ordres émanant de leurs membres. De l'autre côté, les Junkers se préparent au conflit. Dans la journée, des coups de feu s'élèvent depuis la place Rouge. Le Kremlin est tenu par des bolcheviks, mais encerclé par les Junkers. Dans les rues, on dresse des barricades. Dans certains quartiers, les habitants s'enferment chez eux. Les tirs sont intenses à côté du studio. Une poignée d'étudiants s'y retrouvent bloqués. Sans metteur en scène, ils continuent à répéter au son des fusillades. Je te prie, et je t'en récompenserai généreusement, de cacher qui je suis et de m'aider à prendre le déguisement qui siéra le mieux à la forme de mon projet. Je veux entrer au service de ce duc. Tu me présenteras à lui en qualité d'eunuque. Et tes démarches seront justifiées, car je sais chanter, et je pourrai m'adresser à lui sur des airs si variés qu'il me croira tout à fait digne de son service. Pour ce qui doit suivre, je m'en remets au temps. Seulement, règle ton silence sur ma prudence. Soyez son eunuque et je serai votre muet. Quand ma langue babillera, que mes yeux cessent de voir. Je te remercie. Conduis-moi. Voilà, c'est parfait. Bravo, mademoiselle. Je vais aller faire une pause, puis nous pourrons reprendre ma scène. Je suis désolée, je suis très mauvaise. Non, pas du tout. C'était vous dans la rue et dans le tramway, n'est-ce pas? Oui. Je vous ai suivi. Vous m'avez vu sur scène? Dans La Demoiselle des Neiges? Non. Alors vous voulez devenir comédienne? Non plus. Je n'avais personne d'autre vers qui me tourner. Pourtant, on ne se connaît pas. Enfin, je me souviendrai de vous. J'ai beaucoup changé depuis le temps. Alors tu ne te souviens pas de ta promesse non plus? Je comprends. C'était il y a longtemps. Nous étions jurés que nous serions toujours là l'un pour l'autre. Natacha. Bien sûr. Je la connais. Tous ces étés passés à la campagne, près de Yalta. À part la datcha des Triptolefs, il n'y avait personne d'autre dans les environs. Nos familles se rendaient visite. Monsieur et Madame Triptolef, avec Natacha Andreevna, leur fille. Dans la véranda, au milieu des plantes, les adultes discutaient. Valentin jouait au singe savant en leur récitant du Tolstoï. Nous jouions au fond du jardin, toi et moi. Nos bâtons en papier dansaient sur l'eau. Tu avais 10 ans. J'en avais 11. Tu te souviens de moi? Que fais-tu à Moscou? J'ai quelque chose à te demander. Toi seul peux m'aider. Qu'est-ce que c'est? Ivan, nous avons un visiteur. Natacha, dis-moi. Ivan, tu m'as entendu? Il y a un jeune homme à l'entrée. Il prétend être ton meilleur ami. Oh, dites donc, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Il était dans la rue, au milieu des balles. C'est un miracle qu'il ait survécu. C'est pas un ami, c'est Dimitri. Il me fournit au marché noir. Ivan, ce bon vieux Ivan. Vous voyez, je vous avais dit qu'on se connaissait. Et dites donc, on doit avoir sacrément le trac là-haut. C'est ça, les décors? Oh. Et ça, c'est quoi? Les projecteurs. Pourquoi t'es pas chez toi? Mais j'ai un commerce à faire tourner, moi. Vous avez ce qu'il vous faut, côté médicaments, Ivan? Tu prends des médicaments? Non, pas vraiment, je t'expliquerai. Et vous, madame, pas besoin de sucre, hein? Et regardez ce rouge à lèvres, il nous vient tout droit de Paris. Qu'est-ce qui se passe dehors? Oh bah, ça tire dans tous les sens. On n'est pas à Petrograd. Ils vont pas nous la prendre comme ça, notre ville. Et le théâtre d'art? Et le soviet? Ce qu'on entend, ce sont des canons? Oui, ils les tirent depuis les monts des moineaux. Et le Kremlin? Ils ont pris le Kremlin? Ah bah, ils l'avaient, mais ils l'ont rendu, par erreur. Leur chef a ouvert grand la porte aux Junkers. Vous imaginez? Quel abruti! Et le soviet? Encerclé. On dit que Bourodov est à l'intérieur. Il est arrivé? Oui, madame, d'après ce qui paraît. Qui est ce Bourodov? C'est lui qui dirige les opérations du côté des insurgés. Au fait, vous la connaissez, la chanson sur les bolcheviks? Ces soldats rouges, mettez-leur un billet dans la main et ils crieront « Vive le tsar! Vive le tsar! Vive le tsar! Vive le tsar! Vive le tsar! Vive le tsar! Vive le tsar! Vive le tsar! » Est-ce que je peux te parler? En privé. Viens, allons dans ma loge. Vive le tsar! Vive le tsar! Vive le tsar! Vive le tsar, vive la France. Que veux-tu me demander ? Je dois aller jusqu'au Soviet, jusqu'à Bourodov. Maintenant ? Sous les balles ? Pourquoi ? Je dois lui porter un message, c'est urgent. Tu veux entrer dans le Soviet ? C'était pas possible. Tu oublies ton frère ? Valentin ? Pourquoi ? Il est garde là-bas. Grâce à toi, il me laissera passer. Mais comment sais-tu que mon frère... Ne me pose pas de questions, c'est la révolution. Alors tu es comme eux. Toi aussi, t'es une bolchevique. J'ai besoin de toi, Ivan. Tu vas m'aider ? Tu te souviens de ce que tu m'as dit cette nuit-là ? Tu n'as pas oublié ta promesse ? Tu veux aller jusqu'au Soviet ? Tu sais à quel point c'est dangereux ? Et même si on arrive jusque-là, je suis pas sûr que Valentin accepte de te laisser entrer. Je dois aller jusqu'à lui. Tu as soif ? Un peu de vodka va nous aider à y voir plus clair. S'il te plaît, Ivan, fais-le pour moi. C'est à plus de 20 minutes d'ici. Je peux pas. Comme tu as changé depuis Yalta. Peu importe, j'irai seule. Attends un instant. Natacha, reviens. Ivan, te voilà. Tu sais ce que vient de me dire Dimitri ? Qu'au théâtre d'art, ils ont joué la Cerisaie. Ça a fait un triomphe. Ah oui ? Tu sais, je me disais, Stanislavski devrait peut-être faire comme Meyerhold. Parler plus de la Russie actuelle. T'es pas d'accord ? Oui, pourquoi pas. Bon, on commence l'acte 3, scène 2. Ben, elle est partie, ou notre réplique ? Elle n'osera pas y aller, c'est certain. Je la retrouverai tremblante à côté de la porte. Tout ça est un jeu, comme lorsque nous étions enfants. Elle fera quelques mètres, puis elle rebroussera chemin. Je la prendrai dans les bras. Un jour, elle s'est cachée dans la forêt. Elle pleurait au fond de sa cachette. Je l'ai appelée pendant des heures avant de la retrouver. Et si cette fois-ci, je ne la retrouvais pas ? Tu m'écoutes, Ivan ? Et si on commençait notre scène côté cour ? Ivan, où tu vas ? Dehors. Dans la rue ? Elle veut rejoindre Bourodov, chez les bolcheviks. Oui, mais toi ? On se connaît depuis l'enfance. Au début, je l'ai pas reconnue. Nous sommes tous un peu sur les nerfs. Reste là, on va discuter. J'ai promis de l'aider. Ivan, c'est dangereux, il tire dans tous les sens. Tu sais, bientôt, la paix reviendra. Tout redeviendra comme avant. Les répétitions, les compliments, les admiratrices. Je suis désolée, Sophia. Ivan, non ! Et s'il t'arrive quelque chose, comment nous ferons sans toi ? Natacha ! Natacha ! Attends-moi ! Je vais t'aider. Nous allons lui livrer ton message. Merci. Le soviet est par ici. Tu vas voir. Je connais toutes les petites rues de Moscou. Si tu savais comme j'ai pu haïr cette ville. C'est vers elle que tu repartais de chez nous à la fin de l'été. Alors que j'aurais tout donné pour que tu restes vivre à Yalta. Bien. Je suis là maintenant. Ivan. Je t'aime depuis toujours. J'ai jamais cessé de penser à toi. Tu crois qu'on arrivera vivant ? J'en suis sûre. Et toi ? Je sais pas. Nous sommes au bord du précipice. Et je me sens si vivant. Moi aussi. Après toutes ces années de chaos, tout va rentrer dans l'ordre. Ivan, mon amour. Elle se blottit dans mes bras. Au loin, la mitrailleuse travaille et les canons grondent. Nous sommes enfin réunis. Je ferai tout pour elle. Au détour d'une rue, les Junkers. Valentin avait raison, ce sont des enfants. À peine 16 ans, le regard perdu. En manque de pain et de sommeil. Je leur explique que nous rentrons du théâtre. Ma voix est claire et affirmée. Ils nous laissent partir, rassurés par notre apparence bourgeoise. Plus loin, un magasin éventré par un obus. Dans la nuit noire, on distingue du plâtre et des gravats. Au milieu des décombres, un vieillard vocifère. Il nous ordonne de le laisser tranquille. Le soviet est encore loin. Les bâtiments des soviets face à l'ancienne place Skobolev. Devant l'immeuble, il y a 200 défenseurs armés. L'état-major des bolcheviks s'est réfugié dans une chambre au deuxième étage. Un peu plus tôt dans la journée, le commandant bolchevique du Kremlin, coupé de ses communications et induit en erreur par l'ennemi, s'est rendu. À présent, les forces gouvernementales tiennent tout le centre de la ville. Au comité révolutionnaire, la situation est critique. Les Junkers contrôlent les quartiers avoisinants. À tout moment, les bolcheviks peuvent être submergés. Je vois ton frère. Il garde l'entrée là-bas. Donne-moi ton message. Je lui remettrai. Non, je dois entrer. Il doit me voir. Je dois lui remettre mon message en main propre. Ivan ? T'es pas dans ton théâtre ? Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai suivi tes conseils. J'ai choisi mon camp. Où en est l'insurrection ? Mal engagé. On attend encore l'artillerie. Et qui sont tous ces gens ? Mais le peuple, frangin. Des gens comme toi. Ils arrivent en masse. Ils se rallient à notre cause. T'es armé ? Tiens. Voilà une nouvelle amie. En cas de coup dur, elle se montrera aimante. Merci, Valentin. Tu sais t'en servir ? Bien sûr. On pousse le cochon. Le chien. Puis ça s'enclenche. Merci. Je suis pas venu seul. Une bolchevique. Comme toi. Elle a un message important. Elle a risqué sa vie. À quelle section appartient-elle ? Je sais rien. Mais figure-toi que c'est la petite Natacha. De Yalta. Qui ? Natacha, de Yalta. Tu plaisantes ? Pas du tout. Elle est revenue après toutes ces années, t'imagines ? Oui, je suppose. Où est-elle ? Là-bas. Elle était dans le tram ce matin, elle me suivait. Tu dis la connaître ? Oui. Natacha ! Viens, Natacha ! Allons là-bas, nous serons plus tranquilles. Tu te souviens d'elle ? Mais bien sûr. Comment pourrais-je l'avoir oubliée, après toutes ces années ? Natacha. Oui. La jolie petite Natacha, je m'en souviens. Qu'est-ce qui t'amène ici ? J'ai un message pour Bourodov. Pour Bourodov ? Je ferai en sorte qu'il le reçoive. Tu peux compter sur moi. Je dois le lui remettre en main propre. Tu veux entrer au Soviet ? Il n'y a pas de problème. Et ce message, qui l'a écrit ? Quelqu'un de haut placé. Bien sûr. Et pourquoi ? Pourquoi toi ? Elle fait partie d'une brigade spéciale. Elle s'occupe de missions délicates. Heureusement que tu as croisé Ivan. Après toutes ces années, quel hasard ! Faut qu'on se dépêche, Valentin. Les minutes sont comptées. C'est vrai. Pardon, ma petite Natacha. Ma petite Natacha de Yalta. Valentin, qu'est-ce qui te prend ? Pardon, c'est si agréable de rattraper le temps perdu. Bon, avant de te laisser entrer, je dois te fouiller. Pas question. Valentin, voyons. Tiens. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est pour ma sécurité personnelle. T'as une arme ? Je vais la garder si ça ne te dérange pas. Tu ne croyais tout de même pas que je te laisserais entrer ? Tu vas, ma petite Natacha, reste là ! Tu me fais mal ! Valentin, lâche-la ! Espèce d'idiot. Qui sait pour qui elle travaille ? C'est peut-être une espionne de Kerensky. Je sais pas de quoi il parle. Lâche-moi ! Valentin, arrête ! Valentin ! Ivan, aide-moi ! Ne laisse pas me traiter comme ça ! Je suis pas une espionne, je le jure ! Je te crois. Laisse-la partir, Valentin. Tu expliqueras aux camarades pour qui tu travailles. Tes mains en l'air, Valentin. Qu'est-ce que tu fais ? Mets tes mains en l'air, Valentin. Lentement. Lâche Natacha. Je vais t'expliquer ce qui va se passer. Tu vas aller voir tes camarades. Tu vas leur dire de la laisser entrer. Tu crois qu'elle lui veut du bien au camarade Bourodov ? Sans message, mais armé ? Elle est venue pour le tuer. N'est-ce pas, mademoiselle ? Mademoiselle, au fait, c'est quoi votre nom, au juste ? Ce qu'il dit n'est pas vrai. N'est-ce pas, Natacha ? Natacha ! Parle-moi ! Pose ton arme, frangin. Et n'aie pas honte. N'importe qui se serait fait prendre. Se faire prendre à quoi ? Il y a un détail qui m'intrigue. Ton ami prétend être Natacha Triptolev, de Yalta. C'est ça ? Oui. Alors, il y a un os. Parce que Natacha est morte il y a 5 ans. Qu'est-ce que tu racontes ? Ce sont ses parents qui m'ont écrit. Tu buvais trop. Puis il y avait tes angoisses. Je voulais pas t'embêter avec ça. Tu mens, c'est évident. Pourquoi t'inventes tout ça ? Natacha, est-ce que c'est vrai ? Assez perdu de temps. L'artillerie arrive. Donne-moi le pistolet. Natacha ? Je suis désolée. Reviens ! Nous partions en pique-nique tous ensemble, Valentin emmenait sa mandoline. Il y avait nos deux familles. On traversait quelques champs pour arriver au ruisseau. On dépliait la nappe. Ma mère portait une robe blanche. Après le repas, nous montrions aux adultes un spectacle de marionnettes. Valentin choisissait toujours le cosaque. Et Natacha, elle chantait. Est-ce que cette clairière existe toujours? Et en admettant qu'elle existe, est-ce que je saurais la retrouver? La Moskova au petit matin. Sur les berges, les arbres sont parsemés de rosées glaciales. On distingue au loin les bâtiments officiels du Kremlin. Moscou est désormais entre les mains des insurgés. Alors, nous nous retrouvons. Oui. Elle t'aimait, Natacha. À la folie. Elle me parlait sans cesse de toi. Elle me racontait vos jeux d'enfant, vos secrets. C'était comme si je te connaissais. T'étais avec elle à la fin? Oui. C'était rapide. Elle n'a pas beaucoup souffert. J'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à rentrer au Soviet. Alors quand je suis arrivée à Moscou, je t'ai suivie. Je me suis dit que je pourrais devenir elle. Tu savais que mon frère était un bolchevique? Je l'ai découvert rapidement. Mais tu ne l'as pas suivi, lui? Je savais qu'il avait des convictions. Alors que toi... Alors que moi, je ne suis qu'un comédien. C'est pas ce que je voulais dire. Tu t'es servi de moi. Je suis désolée, Ivan. Tu voulais le tuer? Plus que tout au monde. T'es de la police secrète? Non. Il a assassiné mes parents. En 1906. J'étais une enfant. Je savais que mon père était un fonctionnaire de police, mais je ne m'en préoccupais pas. À cette époque, les attentats sévissaient dans tout le pays. Un jour, ils sont partis en balade. Ma mère et mon père. Ils voulaient que je les accompagne, mais j'ai insisté pour rester à la maison. Je leur ai fait un signe de la main par la fenêtre. Puis le ciel s'est déchiré. Quand j'ai rouvert les yeux, leur calèche était en feu. Dehors, tout était calme. Les oiseaux s'étaient remis à chanter. Au loin, le fiacre brûlait paisiblement. Et moi, j'étais en vie. Dans les journaux, on ne parlait plus que de ça. Les maximalistes, les socialistes révolutionnaires. J'ai rapidement appris le nom de mon assassin. Bourodov. Des années plus tard, j'ai retrouvé sa trace. Il avait rejoint les bolcheviks. Il était monté dans la hiérarchie du parti. Il préparait l'insurrection à Moscou. Je suis arrivée dès que j'ai pu. Je ne risquais plus rien, Ivan. J'aurais dû mourir avec eux. Je suis désolée. Est-ce que tu me pardonneras, mon amour? Je me suis servie de toi, c'est vrai. Mais ce que j'éprouve n'est pas fin. Mes émotions sont vraies. Tu peux continuer à m'appeler Natacha, si tu veux. Non. Nous ne nous reverrons plus. Les combats de rue durent 10 jours à Moscou. Nombre des grands trésors architecturaux de la ville sont perdus. Le 29 octobre est une journée de combat terrible. Les forces gouvernementales se replient sur le Kremlin. Mais le 2 novembre 1917, elles capitulent. Les bolcheviks sortent des combats vainqueurs, mais divisés. En janvier 1918, Lénine dissout l'Assemblée constituante. C'est le début d'une des pires guerres civiles de l'histoire. Mikhaïl, comme de nombreux artistes, décide d'émigrer. Sofia, elle, choisit de rester en Russie, où elle devra composer avec la censure grandissante du régime. Le théâtre d'art de Moscou et le studio de Stanislavski s'adaptent. Les ouvriers investissent les théâtres. On fait entrer de nouveaux auteurs au répertoire. C'est le début d'une nouvelle révolution, cette fois-ci théâtrale. C'était désastreux. J'ai jamais été aussi mauvais. J'ai complètement raté le troisième acte. Continue à sourire et salut. J'étais mauvais. Même moi, j'y croyais pas. Souris, je te dis. Personne ne s'en est rendu compte. Et Stanislavski? Pendant ta scène, il a pris des notes. Oh, c'est bon signe. Excellent. Et hop. Tu as vu? Le bolchevik assis au troisième rang. Il a dormi pendant tout l'acte 2. C'est mon frère, Valentin. C'est la première fois qu'il me voit jouer. Monsieur Trofimov, Monsieur Trofimov. Maintenant que nous sommes collègues, Dimitri, tu peux m'appeler Ivan. Je suis désolé pour la bourde de tout à l'heure. Le noir pendant le salut. C'est pas grave, la pièce était déjà finie. Bah, vous allez bien, Monsieur Trofimov? Peut-être qu'un petit verre de vodka. Non, merci. Je n'en ai plus besoin. Au fait, j'ai décidé de partir. Pour quelques temps. Tu diras au revoir aux autres pour moi? Mais vous allez où? Pour trouver quelqu'un. Moscou 1917 de Tadi McNamara avec Ivan, Jérémy Lopez de la Comédie Française, Natacha Pauline Moulen, Valentin David Sigiseli, Sofia Charlotte Durand, Dimitri Antoine Besson et Mikhaïl Antoine Delaroche. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Olivier Dupré et Ariane Herbet, assistant à la réalisation Félix Levacher, réalisation Baptiste Guiton. Dans un instant, on retrouve Marie-Christine Autant-Mathieu pour parler de la Révolution d'octobre et du Théâtre d'art de Moscou. Massive Attack, Ritual Spirit, sur France Inter, dans Autant n'emporte l'histoire, une émission réalisée par Antoine Dabrowski, assistée de Leïla Kourousselikoua, programmation musicale Djoubaka, à la technique Hélène Langlois. Alors, l'histoire qu'on vient d'entendre, très romanesque, pour ne pas dire romantique, est totalement inventée, je l'ai dit, mais le cadre historique est vrai, et les personnages sont inspirés aussi de personnages réels que vous avez reconnus, je crois, Marie-Christine Autant-Mathieu, vous êtes la spécialiste du théâtre d'art. Oui, j'ai trouvé que c'était une fiction très très bien documentée. Et le rapport entre le théâtre d'art, le premier studio... Le premier studio qui avait été créé donc en 1912. Qui a été créé en 1912 par Stanislavski pour tester sur de jeunes étudiants son système de formation de l'acteur, qu'on appelle généralement le système. Et j'ai reconnu, effectivement, je crois, Misha, qui est Michael Tchekhov, ou Mikhail Tchekhov, selon qu'on le prononce à l'anglaise ou à la russe. Qui était le neveu d'Anton Tchekhov, qui était lui-même comédien. Voilà, absolument. C'était le neveu d'Anton Tchekhov, qui était un comédien absolument exceptionnel. Et c'était un des meilleurs disciples de Stanislavski au premier studio. Et puis, je crois avoir reconnu aussi, à travers Sofia, une camarade de Mikhail Tchekhov, Sofia Gatsintsova, qu'on ne se connaît pas très bien, mais qui est aussi un pilier de ce studio. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans cette fiction, c'est un moment où l'un des personnages parle de travail bâclé et de soucis de conservation du patrimoine. Je crois que ce sont effectivement deux choses importantes. D'abord, peut-être le travail bâclé, bon, parce que dans les premiers mois qui ont suivi la révolution, tout était en chaos total. Au sein du théâtre. Voilà, c'était l'hiver. L'hiver était extrêmement rigoureux et il fallait trouver du bois de chauffage, c'est tout simple, mais c'était véritablement un problème. Problème d'approvisionnement en nourriture et en bois de chauffage. Et les comédiens avaient effectivement, eux, la chance de pouvoir faire des petits à côté. Bon, peut-être pas vraiment très bien joué, mais joué pour gagner de l'argent. Et ce qui mettait d'ailleurs en fureur Stanislavski, parce que lui était un perfectionniste absolu et regrettait beaucoup que ses comédiens se livrent à ce genre de travail bâclé un peu pour survivre. Une chose qui est étonnante, qui est dite dans la fiction, c'est que les bolcheviks, le soir donc où les bolcheviks prennent le pouvoir à Moscou, le théâtre d'art, donc le grand théâtre d'art, donne la Cerisette, donc la célèbre pièce de Tchekhov qu'il avait écrite juste avant sa mort. C'est tout un symbole quand même, la Cerisette, c'est l'histoire d'une famille un peu aristocratique, désargentée, qui veut pas perdre sa propriété, sa Cerisette qu'elle adore, et puis mais un peu c'est la fin d'une certaine Russie aussi. Tout à fait. Et ce qui est assez curieux, c'est que les pièces de Tchekhov et même l'ancien répertoire, pratiquement tout l'ancien répertoire considéré par les bolcheviks comme bourgeois, tout cet ancien répertoire et notamment les Tchekhov a permis au théâtre d'art de survivre financièrement, tout simplement. Et ce qui montrait bien que une bonne pièce jouée par d'excellents acteurs pouvait plaire aussi bien à un public bourgeois qu'à un nouveau public, parce que ça, c'est aussi très important. C'est l'arrivée dans ce théâtre d'art, qui était un théâtre, non pas un théâtre de grands bourgeois et d'aristocrates, pas du tout. C'était un théâtre de l'intelligentsia, donc de gens très cultivés, et tout d'un coup est arrivé dans ce théâtre des gens qui n'étaient pas cultivés, des gens qui n'allaient jamais au théâtre, qu'il a fallu un peu rééduquer, apprendre à ne pas cracher des graines par terre ou ou éternuer ou garder son chapeau sur la tête, mais qui étaient absolument fascinés par le jeu du et notamment par les pièces de Tchekhov. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que le théâtre d'art a pu continuer à jouer Tchekhov jusqu'en 1921-22, et ensuite Tchekhov a été interdit. Trop bourgeois. Trop bourgeois. Jusque vers 1926-27. Et le théâtre d'art avait très très peur de reprendre Tchekhov, parce que, évidemment, c'était condamnable. Donc, ils ont fait un test avec Oncle Vania, non pas sur la scène principale, mais sur une petite scène annexe, qui prenait moins de risques. Et ils ont invité Staline. Et Staline est venu voir Oncle Vania, et paraît-il, a pleuré. Et grâce à ça, ils ont Staline pu... Staline qui pleure, c'est quelque chose. Et donc, ils ont pu reprendre d'abord petit à petit Oncle Vania. En 1928, pour l'anniversaire du théâtre, ils ont pu reprendre, pas le spectacle complet, mais une partie des Trois Sœurs. Et après, ils ont eu le feu vert, ils ont pu reprendre les Tchekhov. Mais c'était quand même pas évident dans les années 20. Il y a des allusions aussi à cette question des comédiens, des auteurs, des metteurs en scène qui se sont engagés à fond dans la Révolution. Par exemple, il y a eu Maxime Gorki, l'écrivain, qui est devenu un écrivain officiel du régime. Et puis, il y a Vsevolod Meyerhold, un acteur et un metteur en scène qui, lui, a vraiment opté pour le parti bolchevique, a tenté de faire un théâtre carrément révolutionnaire. Oui, Meyerhold, qui était pourtant... Il va le payer de sa vie, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Meyerhold était pourtant le metteur en scène principal du théâtre impérial, Alexandrinsky. Jusqu'en 1917, un de ses plus beaux spectacles, le bal masqué, était joué au théâtre impérial à Sandrinsky. Et puis Meyerhold a épousé la cause effectivement bolchevique. Il a adhéré au parti dès août 1918. Et pour lui, qui était un formidable expérimentateur, la révolution lui ouvrait toutes les portes. Il a été pris dans le mouvement de la révolution et il a, à partir de 1918, cherché à casser absolument tout le théâtre ancien, y compris le théâtre d'art dont il était issu. Et donc Meyerhold a été incroyablement inventif, il a complètement transformé le théâtre, au point que on lui doit peut-être aujourd'hui cette idée de théâtre de metteur en scène, ce théâtre où le metteur en scène est tout puissant, peut refaire le texte, évidemment fait la composition scénique et donne le fil directeur aux comédiens. Meyerhold sera arrêté en 1939 et fusillé en 1940 pour espionnage et déviationnisme. Ouais, ouais. Mais d'autres comédiens vont s'exiler et avoir une carrière, notamment en Europe et aussi aux États-Unis. C'est une histoire assez incroyable, l'histoire de ce théâtre d'art qui va s'exporter aussi à travers la méthode Stanislavski et qui va amener aussi la création de l'Acteur Studio au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à New York. Oui. Non, c'est vrai que le théâtre d'art a été un théâtre absolument essentiel à la fin du XIXe siècle jusqu'au début des années 10. La Révolution a failli le casser. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure à propos de la conservation du patrimoine. Ça, c'est une chose qu'on oublie souvent de souligner, c'est que s'il n'y avait pas eu Lunacharski, qui était le commissaire à l'instruction publique, à savoir l'équivalent du ministère de la Culture, Lunacharski, qui était un homme de l'ancien temps, qui était bolchevique, mais qui a compris qu'il fallait ne pas liquider tout ce patrimoine, contrairement à ce que voulait la gauche révolutionnaire, l'avant-garde. Et grâce à Lunacharski, soutenu d'ailleurs par Lénine, tous les grands théâtres, les théâtres impériaux, le théâtre Mali, le théâtre d'art, bien sûr, le Bolchoï, qui a failli effectivement disparaître comme une espèce d'emblème de l'art bourgeois et de l'opéra et de tout ce que la gauche refusait. Tous ces théâtres ont été protégés. Et le théâtre d'art, donc, a survécu et il a été un formidable creuset de formation de comédiens avec cet esprit messianique qu'ont souvent les Russes d'exporter quelque chose qui leur tient à cœur et qu'ils savent être excellent. Et c'est effectivement juste. Ils ont exporté, effectivement, non seulement leur façon de jouer, mais aussi cette idée de la communauté théâtrale qui est très importante. La troupe. Ce qui était né dans le premier studio dont il est question dans la fiction, cette atmosphère de communauté, de jeunes réunis par une éthique qui expérimentent en dehors de la scène institutionnelle qui est prise par des contraintes financières, des contraintes de temps. Le studio permet justement d'expérimenter dans la durée, dans le processus. Et donc, c'est ça qu'ils ont exporté dans le monde entier, en Europe et aux États-Unis. Des conditions de travail dont tout le monde rêverait aujourd'hui. Aujourd'hui, le théâtre d'art de Moscou existe toujours ? Il existe toujours. Il a subi différentes difficultés. C'est vrai que l'image du théâtre d'art d'aujourd'hui n'a évidemment plus rien à voir avec celle de Stanislavski et de Nemiro Danchenko. Mais c'est un théâtre extrêmement vivant qui est vraiment encore au centre de la vie théâtrale de Moscou et il continue dans cette idée que le théâtre d'art doit rester un lieu à la fois de répertoire classique et de répertoire expérimental. Merci beaucoup Marie-Christine Autant-Mathieu. Je signale un livre que vous avez publié il y a quelques années, Mikhail Tchekhov, de Moscou à Hollywood, du théâtre au cinéma, publié aux éditions L'Entretemps. Autant d'emporte l'histoire est terminée pour ce soir. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr. Vous pourrez aussi écouter les émissions que vous avez peut-être manquées. Les derniers jours de Jean Jaurès, c'est le déclenchement de la Première Guerre mondiale, ou bien encore 1386, le procès de Falaise. Et bien sûr, j'attends avec impatience vos commentaires sur le site de France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Sur le site, c'est nouveau, vous pourrez désormais découvrir chaque semaine le dessin de presse réalisé spécialement pour l'émission par la talentueuse Nina Lueck. Dimanche prochain, nous partirons à Lille pendant la Première Guerre mondiale à la rencontre d'une femme exceptionnelle, Louise de Bettigny, une jeune femme que tout destinait à devenir vieille fille ou bonne sœur, mais le siège et l'occupation de Lille par les Allemands vont bousculer son destin. Elle va créer et diriger pendant la guerre un redoutable réseau de renseignements pour les Anglais. Pour en parler, je recevrai l'historienne Chantal Antier à dimanche prochain. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous bien sûr avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Très bonne soirée à tous.